présence des maîtres de cette faculté, de mes chers confrères, selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à la maladie de Saxe et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon adaptation, travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. Premier épisode. Mercredi 12 septembre, consultation au cabinet médical. Des pneus crissent sur l'asphalte humide de la cour. Je lève la tête. Un éclair de lumière passe sur le plafond. Un moteur se tait. Une portière claque. La porte de la rue vibre. Des clés tintent. Je glisse un doigt entre deux pages et je referme le livre. La porte de la salle d'attente s'ouvre et ta sacoche à la main, tu entres en secouant ton trousseau de clés. Des murmures te saluent. Tu passes devant nous, tu ouvres la porte de communication et tu la retiens du coude. De l'autre main, tu isoles une clé du trousseau, tu déverrouilles la seconde porte, tu l'ouvres, tu ôtes la clé de la serrure, tu glisses le trousseau dans ta poche, tu entres. Silencieusement, la porte de communication se referme derrière toi sous l'action du groom automatique. Eh bien, nous allons voir ça. Je vais vous demander de vous déshabiller et de vous allonger, si vous voulez bien. Avez-vous bon appétit ? C'est moyen. Installez-vous, je vous en prie. Treize-huit, c'est bien. Vous avez un cœur bien régulier. Respirez profondément. Bien, asseyez-vous. Penchez-vous en avant. Respirez fort, la bouche ouverte. Dites 33. 33. Plus fort. 33. Bien, rallongez-vous. Pliez les jambes. Rallongez les jambes. Asseyez-vous au bord du lit. Tirez la langue, faites A. Et pourriez-vous ouvrir un peu plus la bouche? A. A. A. Encore. A. A. A. Très bien. Pardon. Je vous en prie. Quand avez-vous fait soigner vos dents pour la dernière fois? Il y a longtemps. Regardez mon nez. Regardez le plafond. Venez vous peser. C'est votre poids habituel? Oui. Bon, vous pouvez vous rhabiller. Tu sépares mon ordonnance des suivantes. Tu attires vers toi un bloc de feuilles de sécurité sociale. et d'un mouvement fluide, ta main remplit la case des noms et prénoms du malade. Puis les rubriques surmontées des mots « prestation des actes ». Tu plies en deux la feuille de maladie et tu y glisses l'ordonnance. Tu me tends le tout en m'annonçant le montant de tes honoraires. Sur le grand cahier de rendez-vous, tu inscris un C juste en face de mon nom. Tu te lèves, je me lève, tu passes devant moi, tu ouvres la porte intérieure du cabinet médical. Je glisse l'ordonnance dans mon sac, tu pousses la porte de communication et tu passes dans la salle d'attente. Je sors. Au revoir. Le dos à la porte, tu me serres la main. Au revoir. Quelqu'un s'est déjà levé, je t'entends lui dire « Entrez ». J'ai mal au ventre. Je perds mes cheveux. J'ai une verrue. Je vois plus d'un œil. J'ai la tête qui tourne, ce serait pas la tension ? J'ai mal au dos. J'ai toujours soif. J'ai mal aux pieds. Ça me gêne de vous le dire, mais j'ai une douleur mal placée. Je peux plus bouger. Je saigne. J'en peux plus. J'ai un truc là, dans la bouche. Ça me fait peur. Je vois. Ce doit être très pénible. Je viens pour la licence. Ah, eh bien, mettez-vous en slip que je vous examine. Oui. Ça fait longtemps que vous faites du foot ? C'est la 5e ou 6e année. J'ai déjà fait du basket et du hand, mais ça me plaisait plus. L'atmosphère n'était pas très bonne. Alors j'ai changé de club, maintenant je fais du foot dans la commune voisine et je regrette pas. Tournez-vous vers moi. Regardez le plafond. Vous avez beaucoup d'acné. Oui, justement, je voulais savoir si vous pourriez faire quelque chose. Oui, je vais vous donner quelque chose. Allez, levez-vous. Baissez votre slip. Tournez-vous. Penchez-vous en avant. Ça vous arrive d'avoir mal au dos ? Non. Très bien, redressez-vous. Tournez la tête à droite, à gauche, sur le côté, l'autre. Ça vous fait pas mal ? Très bien. Venez par là qu'on vous pèse. Et voilà. Rhabillez-vous. Alors, vous avez 16 ans. Et demi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un rappel de vaccin à faire cette année. C'est pas urgent, mais pensez-y. Je vais vous le prescrire. Vous aviez autre chose à me demander ? Oui, pour l'acné. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Asseyez-vous. Merci. Je viens parce qu'on m'a parlé de vous. Il paraît que vous savez bien soigner l'asthme. La sinusite. Les virus. Les migraines. La dépression. Les rhumatismes. Les furoncles. Les personnes âgées. Et que vous êtes très doux avec les enfants. C'est ma voisine dont vous soignez la tante qui l'a dit à sa sœur qui habite près de chez ma belle-mère. Alors je me suis dit que j'allais venir vous voir. Ça ne coûte rien d'essayer, hein. On cotise assez pour ça. Mais je vous préviens, moi je suis un cas. J'ai déjà vu le médecin, enfin votre confrère de Demont, il y a 15 jours. C'était un jeudi. Vous n'étiez pas là. Ou bien c'était un autre soir et vous ne consultez pas le soir, je crois. Si. Bon, enfin, je voulais pas attendre. Je venais de la récupérer chez la nourrice qui m'avait dit qu'elle était grognon et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas. Elle voulait tout le temps être à bras, elle pleurnichait sans arrêt. Comme j'ai repris le travail il y a 3 mois, je me suis dit qu'elle faisait la comédie. Il faut dire qu'elle m'en a déjà fait voir. Forcément, quand elle est née, j'ai pris un congé d'un an, alors je me méfie, hein, parce que des caprices, elle m'en a fait. Mon mari est inquiet dès qu'elle fait un pet de travers, il en est fou de sa fille. Mais... moi, je veux pas me laisser bouffer. Alors j'ai dit, on va voir. Seulement, quand j'ai déshabillé pour la mettre dans le bain, elle s'est mise à pleurer. Et c'est pas son habitude. Le bain, elle adore ça. Alors je me suis dit, ça va pas. Je lui ai pris la température, elle avait 39,5. Et ça continuait à monter. Le médecin lui a trouvé une rhinopharyngite compliquée. Compliquée ? Oui, avec un début d'otite. Enfin, il me l'a mise sous antibiotique, mais le lendemain matin, elle s'est mise à vomir. Alors, je l'ai rappelée, il m'en a prescrit d'autres, mais elle les a finies avant-hier. Et ça recommence. On va voir ça. Déshabillez-la. Le médecin n'a rien noté la dernière fois. Vous permettez, asseyez-vous près d'elle. Qui a toujours les grands yeux bleus, poussin. Allez, je vais te déshabiller et regarder pourquoi tu as de la fièvre. Je suis le docteur Saxe. Tu m'as déjà vu, mais ça fait longtemps. Tu ne te souviens peut-être pas. Aujourd'hui, ta maman ne t'a pas amené pour te faire vacciner, mais pour que je te soigne. Je sais bien que tu n'aimes pas qu'on t'allonge. Les petits enfants et les bébés n'aiment pas ça. Et à ton âge, on se méfie des étrangers. Zou! Allez, un bras, l'autre bras, un pied, l'autre pied. Hop, viens sur les genoux de ta maman. Tiens. Attention, c'est froid. Ne touche pas. Ça ne me gêne pas. Elle tousse souvent? Sans arrêt. Parfois, elle tousse toute la nuit, et dès que j'entre dans la chambre, elle pleure. Impossible de la rendormir. Mon mari me dit de la prendre avec nous dans le lit. Pour lui, c'est facile, il se rendort. Mais moi, pas question. Alors forcément, le matin, j'ai du mal à me lever. On va regarder tes oreilles, mon lapin. Ouais, elle aime pas ça. Une oreille. Bon. L'autre oreille. Bon. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qu'elle a? Une rhinopharyngite, pas compliquée. Ah. Et ses oreilles n'ont rien? Non. Elle avait de la température ce soir? Oh, je sais pas, je l'ai pas prise. Je suis venue tout de suite. Mais je crois pas, non. Enfin, j'avais peur que ça recommence. Vous ne croyez pas qu'il faudrait faire quelque chose? L'opérer des végétations ou lui faire des injections de globuline? Ma sœur a fait ça à son fils, une piqûre 3 fois par semaine pendant 8 semaines. Il paraît que ça leur fait du bien. Non, c'est pas nécessaire. On est en automne jusqu'à l'âge de 2 ans. Les rhumes, c'est fréquent. Après, ça se tasse. Mon confrère n'a rien noté la dernière fois. Oh, lui, il ne marque jamais rien. Vous savez, les médecins ne notent pas souvent. C'est dommage. Bon, vous allez pouvoir la rhabiller. Merci, ma puce. Alors, pas d'antibiotiques cette fois-ci. Ça va guérir tout seul. Vous allez simplement lui donner de quoi faire baisser la température pendant 1 jour ou 2. Je vais vous marquer un peu de sirop pour la toux, sauf si vous avez déjà ce qu'il faut chez vous. Et vous ne lui prescrivez même pas des gouttes dans le nez? Excusez-moi. Docteur Saxe, j'écoute. Bonjour Bruno, c'est Angèle. Bonjour Madame Pujade, comment allez-vous? Très bien. Je ne te dérange pas? Jamais. Dis-moi, est-ce que je peux te rajouter une dame demain? Le programme est chargé? Oui, un peu. Tu as 3 interventions et 4 consultations. Mais c'est une dame qui préfère passer avec toi. C'est Jean-Louis qui t'envoie. Jean-Louis Renaud? Oui, c'est une de ses patientes. Mais je peux la faire venir la semaine prochaine. Non, on va pas la faire poireauter 8 jours. C'est suffisamment dur comme ça. Je viendrai un peu plus tôt, à 12h30, ça ira? Très bien. Merci Bruno. Alors à demain. Parce que je sais plus quoi faire. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Parce que ça peut plus durer. Parce que j'ai grossi. Parce que j'ai maigri. Parce que je dors plus. Parce que je dors sans arrêt. Parce que je supporte plus mes gosses. Parce que mon père m'a frappée. Parce que je pleure tout le temps. Parce que j'ai de mauvaises idées. Parce que j'ai plus d'éther à la maison. Parce que j'en ai marre de me crever le cul pour rien. Bonjour, mon petit docteur. Bonjour, Madame Renard. Ah. Asseyez-vous. Excusez-moi. Bah, allez-y, je suis pas pressée. Oui, docteur Saxe, j'écoute. Oui. Pendant que tu réponds au téléphone, je pose mon porte-monnaie sur le coin du bureau. Je retire mon châle. Je le pose sur le dossier de la chaise. J'ôte mon gilet. Je le pose par-dessus. J'ouvre la fermeture éclair de ma blouse. J'ôte ma blouse. Je la pose sur le gilet. Je déboutonne mon cardigan. J'ôte mon cardigan. Je le pose sur la blouse. Je déboutonne ma robe. Je la retire. Je la dépose sur le cardigan. J'ôte ma combinaison. écoutez. Je la mets sur la chaise parce que, autrement, tout va tomber. Et comme tu viens de raccrocher, je lève les yeux vers toi. Faut-il que je retire ma gaine ? Ça ira comme ça. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Eh ben, comme d'habitude, je viens pour les médicaments. Et aussi pour l'attention, ça va pas en ce moment. Ça tourne le matin quand je me lève et le midi quand j'ai fini de souper. Et le soir quand j'enlève mes bas. Je me redresse, ça tourne, ça vire, ça me jetterait. Et j'ai mal. Là, mon Dieu, c'est impossible de souffrir comme ça. J'ai mal. J'ai toujours mal, là, au cœur. Eh bien, on va voir ça. Asseyez-vous sur le lit, je vous en prie. Oh là, mon Dieu, que c'est bon. J'ai combien cette fois-ci ? Et zut. Ah ben, vous n'avez pas de chance aujourd'hui, on vous laisse point travailler tranquille. Excusez-moi. Docteur Sachs, j'écoute. Bonjour, monsieur. Oui ? Non, je n'ai pas encore reçu, je pense qu'elle arrivera avec le courrier de demain. Oui, je vous rappelle. Je vous en prie, au revoir, monsieur. On est toujours dérangé quand on est docteur. C'est bien. J'ai combien ? 15,8. Oh ? Mais la dernière fois, j'avais 14. C'est normal. Oui, vous savez, ça peut varier un peu d'une fois sur l'autre. Mais je comprends pas. J'ai pas deux fois la même tension quand je viens vous voir. Pourtant, je prends bien mes médicaments. Et quand par hasard j'oublie, notez bien, c'est pas souvent. Je me relève la nuit pour les prendre. Alors comment ça se fait que ça soit pas toujours pareil d'une fois sur l'autre ? C'est parce que ça varie. Entre 15 et 14... Il n'y a pas une grosse différence. Vous n'allez pas me changer mes médicaments ? Non, c'est très bien comme ça. Oh bon, j'ai mieux ça. Oh, j'ai eu tellement de mal à m'y habituer. Mais aussi, c'est mon cœur. Oh là, mon Dieu, que j'ai mal. Rien que l'autre nuit, c'est affreux ce que j'ai souffert. Mon mari m'a grondé parce que je l'empêchais de dormir. Il avait beau m'avoir touché avant que je me couche, j'avais quand même mal. Touché ? Ben oui. Vous savez bien que mon mari, il a le don. Il était toucheux dans le temps. Il arrêtait le feu. Alors maintenant, bien sûr, il ne le fait plus beaucoup qu'à moi. Et j'ai l'impression que ça ne me fait plus rien. C'est toujours la même douleur sous le sein ? Oui, là, au cœur. Faut-il que je retire ma gaine ? Penchez-vous en avant. Ouais, je vois ce que c'est, toujours la même chose. Ça commence entre vos deux vertèbres ici, vous sentez ? Oui, ça fait mal. Et ça fait le tour par devant. Ce n'est pas le cœur, c'est une douleur intercostale, un nerf qui se coince. Ah, c'est pas la peine de passer un cardiographe alors. Allez, venez, Madame Renard, on va aller sur la balance. Ah, là, mon Dieu, oh, j'ai sûrement pas perdu. Combien ça fait aujourd'hui ? Pareil que l'autre fois. Je peux me rhabiller ? Oui, bien sûr, je vous en prie. Je ramasse la combinaison qui a glissé sur le sol. Je l'enfile. Puis la robe. Je la reboutonne. Je remets la blouse et je remonte la fermeture éclair. J'enfile le gilet. Je jette le châle sur mes épaules. J'approche le siège recouvert de drap noir tout près du bureau. Je m'assieds. Je pose une main sur mon sein, là, mon Dieu, que je souffre, et l'autre sur le bureau, sur mon porte-monnaie. Tu es occupé à écrire en tout petit sur la fiche que tu as sortie de mon gros dossier. Tu arrives au bout et tu la retournes. L'autre côté est déjà rempli. Tu hoches la tête, tu ouvres un petit classeur placé sous la fenêtre, tu en sors une fiche neuve. Dans le coin en haut à gauche, tu inscris mon nom, Renard Marie-Louise, et tu le soulignes de trois traits. À droite, tu inscris un chiffre, 18 je crois, et tu l'entoures d'un cercle. Et puis tu te remets à écrire, mais c'est trop petit pour que je puisse voir. J'ai plus mes yeux d'avant. Qu'est-ce que vous allez me donner comme médicament? Parce que l'autre fois, ça m'avait fait bien, mais pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous a le mieux soulagé? Ah, je sais plus. Il n'y a plus grand-chose qui me soulage. Sauf les grosses gélules vertes que vous m'avez ordonnées l'autre fois. Il a fallu que je les fasse préparer par la pharmacienne. Elles sont vraiment grosses, mais de temps à autre, elles me font bien. Sauf quand j'arrive pas à les avaler. Alors, je les ouvre et je mélange la poudre avec la soupe. Mais ça fait moins bien. Ah, il vaut effectivement mieux les prendre sans les ouvrir. Est-ce qu'il vous en reste? Oh là, mon Dieu, oui. Vous m'en aviez marqué pour 3 mois, mais comme je souffrais plus, j'ai arrêté. Et quand ça a recommencé à souffrir l'autre soir, je me suis dit qu'il faut pas que je prenne n'importe quoi, alors je vais retourner voir mon petit docteur. Pour une fois que j'ai un docteur au bout de la rue, je peux bien en profiter, hein, à mon âge. D'abord, on a cotisé. Et puis vous êtes si gentil. Alors je vous remets seulement vos médicaments pour la tension. Et aussi des cachets pour dormir. Et de la pommade pour que le père me frictionne quand j'ai mal. Pourrez-vous passer le voir demain matin? Cet après-midi, il n'a pas pu venir parce qu'il allait trouver le maire. Mais il aurait voulu vous voir. Et impatient comme il est, il n'aime pas attendre. Pas demain, c'est jeudi. Le cabinet est fermé. C'est urgent? Oh là, mon Dieu, non. Vous savez comment il est, le père. Il vous aime bien parce que vous vous êtes bien occupé de lui. Alors même qu'il est difficile à soigner. À moi, quand j'y dis « mange donc pas ça, ça va te faire du mal » ou « prends donc tes comprimés, c'est pour ton bien », faut l'entendre. Il me dispute, il est méchant. Tandis qu'avec vous, il est tout doux. Et ça pourra attendre vendredi, alors? Ah, vendredi, d'accord. Mais le voisin nous emmène à la pharmacie l'après-midi, alors si vous pouviez passer le matin, pas trop tard. Va pour vendredi matin. Ah là, mon Dieu, ça m'en fait des papiers. Et puis je n'y comprends goutte. Heureusement, je donne tout ça à Madame Grivel, la pharmacienne, ou à Madame Lacourbe, la préparatrice. Et elles s'en débrouillent. Elles sont si gentilles. Oh, ça leur arrive même de nous apporter les médicaments à la maison. Autrement, on est obligé de demander aux voisins. Et oh, c'est toute une affaire. Remarquez bien qu'on y paie l'essence. Enfin, j'espère que ça va aller. J'en suis sûr. Et prenez bien une gélule verte avant chaque repas. Vous souffrirez beaucoup moins. Oh, je voudrais bien, mon petit docteur, parce que... quand je souffre comme ça, là, mon Dieu, c'est affreux. Je vous raccompagne. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai passé la 50aine et il serait temps. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai bientôt 80 ans et je veux mourir chez moi. Parce que j'ai passé la 50aine et il serait temps. C'était La maladie de Saxe de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. Premier épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe, et Pauline Jambet, Antoine Sastre, Clément Lagouarde, Alexandra David, Françoise Gaziot, Christine Murillo. Parce que j'ai 40 ans et je commence à faire. J'ai passé la 50aine, il serait temps. Bruitage Bertrand Amiel. Musique originale Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation Claude Mulin, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai presque 60 ans. Et je voudrais que ça continue. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche. Je veux mourir chez moi. Parce que j'ai 90 ans. Et vous savez, j'en ai marre de vivre.